Ensuite, on a tener, qui donne au présent tengo, hein, j'ai, tengo. Et au passé, tuve, pour j'ai eu, tuve, T-U-V-E. Le V se prononce comme un B, tuve. Là encore, le U, prononcé U, prédomine. Tuve, c'est donc j'ai eu. Alors, comment dira-t-on il ou elle a eu, au passé sans plongeoir? Tuvo. Tuvo, hein? C'est ça. Ça va vous servir aussi pour former le passé du verbe être, hein? Estar. Donc, j'ai été. J'ai été, c'est estuve. Donc, on a tuve pour j'ai eu et estuve pour j'ai été. Alors, il a été, au passé sans plongeoir, ça sera estuvo. Estuvo. Vous voyez, ça suit toujours le même schéma. E et O qu'on n'accentue pas.